Hey, I can't find that on the radio. La mécanique des ondes. You'll turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Protestante pour ce deuxième épisode de la mécanique des ondes. Le concept de l'émission, je vous le rappelle, est de donner la parole aux grands de la bande FM. Qui sont-ils? Comment ont-ils commencé à la radio et quelle est leur vision du média radio? Aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Hautemul, directeur de l'antenne d'RTL. Bonjour. Bonjour Cécile. Ravi de vous recevoir à ce micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Ah oui, évidemment. Mais quand et comment? Alors, il me semble que c'était en 1981, je crois à l'automne, et la radio s'appelait Radio Cosmos. Elle était montée par un éditeur d'œuvres plutôt ésotériques, dont les bureaux étaient rue de Sèvres, à Paris, et qui avait la chance d'avoir une grand-mère, je crois, qui avait un appartement Place du Tertre, et donc il avait une situation idéale pour y poser une antenne et être reçu à peu près sur toute la capitale, ce qui était extrêmement rare. Et cette radio, qui a vécu quelques mois seulement, était évidemment une association, et ça a été au cœur de pas loin de 10 ans de ma vie en radio. Alors, à quel poste vous faisiez quoi? J'étais animateur, producteur, on avait des noms et on se donnait des titres absolument ronflants. Mais en clair, j'animais une émission l'après-midi. En parallèle de mes activités professionnelles, j'étais à l'époque attaché de presse dans la musique. Et j'avais, alors, chance exceptionnelle, débuté 3 ans auparavant, ou 4 ans auparavant, en 78, au Standard de Georges Lang. Il y avait déjà un lien et on y reviendra après. Voilà. Et donc j'avais démarré ma vie professionnelle, ma vraie vie professionnelle radiophonique à RTL, la nuit, derrière un téléphone, et j'ai à peu près tout appris pendant 2 ou 3 ans. Et figurez-vous qu'en 81, lorsque la bande FM s'est libérée, je vais faire partie des petite poignée de gens qui avaient déjà fait des émissions de radio, qui savaient ce que c'était qu'un micro, ce que c'était qu'une console, et voilà. Combien de temps vous êtes resté dans cette Radio Cosmos, du coup? Quelques mois, et ensuite j'ai enchaîné sur un projet qui était extrêmement séduisant, qui était aussi une association, cette association était Cultura Latina, qui avait décidé, piloté par son patron qui était Philippe Rossillon, de monter une radio culturelle, thématique, latino-américaine, latino-européenne, un peu en opposition à ce courant anglo-saxon qui déferlait sur les ondes, puisque les radios s'ouvrant, il n'y avait pratiquement pas d'argent. On avait que des disques, les disques étaient anglais, mais c'est vrai que c'était beaucoup trop. Et on avait tous une culture très anglo-saxonne, ceux qui aimaient la radio à cette époque-là, et la radio un peu différente, la FM venait des États-Unis. Et on s'était fait ce constat, de se dire que c'était quand même un peu dommage de passer à côté d'abord de notre culture latine, qui se répandait aussi bien en Amérique qu'en Europe, ou en Afrique latinophone. Et cette radio était Radio Latina. Et là, vous y faisiez quoi? En 82, et là, j'étais directeur des programmes. Donc vous êtes passé, vous aviez fait un petit peu de micro, et vous êtes passé derrière. Oui, oui, absolument. Mais enfin, j'étais à bonne école, parce que j'avais été pratiquement 2 ans avec un garçon qui s'appelait Max Meynier, qui m'a absolument tout appris, et avec lequel j'ai démarré un programme qui n'a pas duré d'ailleurs très longtemps, parce que c'était épuisant, 3h30 de direct dans la rue, avec une voiture, un chauffeur, un garde du corps et un technicien. Et avec Max, on sillonnait à la fois Paris, la région parisienne et bien souvent la France, avec les routiers, le soir. Et ça, c'était une fantastique école, puisque Max avait ce talent de conteur, de narrateur. Et on pouvait le placer dans n'importe quelle situation. Il arrivait à en trouver un moment d'émotion formidable, quoi. Donc, la première des choses qui, moi, m'a appris, c'est rester absolument moi-même. Vous étiez à l'école du terrain, mais quelle est votre formation ? Alors, ma formation, c'est un baccalauréat scientifique, 3 mois à Jussieu pour tenter de passer une licence de physique-chimie, et puis arrêt en janvier pour devenir prof de golf. Parce qu'à l'époque, je jouais au golf et qu'on me proposait de devenir professionnel. Et on était très peu hein, à l'époque. Donc ça n'a strictement rien à voir. Mais j'étais avant tout et surtout un grand amateur de musique. Donc la radio et la musique sont pour moi très liés, évidemment. Ils font appel aux mêmes parties de notre cerveau. Et voilà, toutes ces connexions synapses et toutes ces... ce monde de l'émotion invisible et qui répond à peu près au même mécanisme, quoi. Donc la radio, la musique ont toujours fait bon ménage. Et après cet épisode donc sur cette radio à consonance latino-américaine, vous faites quoi ? Vous êtes directeur des programmes, vous faites évoluer la grille. Oui, en parallèle, je suis producteur de disques, je monte des labels, j'ai une activité pour gagner ma vie quand même, parce que les radios n'ont pu véritablement vivre qu'à la fin des années 80, quand on a pu trouver un cadre à la fois juridique et économique viable, et que surtout le ménage avait été fait entre les différents grands opérateurs traditionnels. Et ce que j'y ai fait, c'est toute forme d'émission. J'ai la preuve que une des émissions les plus absurdes que j'ai pu faire, c'était une bataille navale sur Radio Latina. C'est ça, au début des années 80, 83, 84, quelque chose comme ça. Ça n'avait strictement rien à voir, c'était simplement un jeu très rigolo qu'on faisait en fin de journée et qui était totalement mis en onde. Et voilà, du coup, ça a été repris d'ailleurs après, je crois qu'Europe, ils ont fait une bataille navale. Une bataille navale à la radio, c'était animé par François Diveau à l'époque. Et puis ils ont pris l'idée. Enfin bon, bref, ça a permis de faire un tas d'émissions tout à fait improbables, comme on dit maintenant. En 1985, vous passez à France Inter. Alors est-ce que j'ai manqué des étapes ? Non, puisque une fois Radio Latina et le réseau de Radio Latina créé, monté à travers une bonne centaine d'ambassades, de représentants un peu dans tous les pays, et c'est pas évident. Donc Jean Garetto, qui était à l'époque le directeur des programmes, avec Olivier Nantout, bon, malheureusement, ils ne sont plus là, mais je pense tous les jours à eux, m'ont proposé de venir les accompagner sur la partie musicale de France Inter, où la musique latino-américaine, européenne, personne ne s'y intéressait vraiment. Et ils souhaitaient développer, et j'étais nommé pour, en tout cas, proposer une large palette de musique de ces pays et de ces cultures-là, à raison d'ailleurs de 30%, parce qu'un disque sur 3 était à l'époque d'origine latino-américaine, latino-européenne. De France Inter, vous passez à Fun Radio ensuite, le grand écart ? Pas tout à fait, non. Entre-temps, je travaille avec Robert Namias sur une radio qui s'appelait à l'époque 95.2, qui était une très très bonne radio de musique et news, probablement un des projets les plus aboutis, avec une superbe équipe, enfin, tout le monde y a plus ou moins démarré, moi j'occupais de la programmation musicale, tout le monde y a démarré, hein, de tous les jeunes qui sont maintenant des vieux, entre Arthur, Nagui, etc., on avait une superbe équipe, et puis la radio, on a vécu 3 ans formidables, 3 ans formidables. Pour ensuite passer à Fun Radio. Pour ensuite passer à Fun Radio, oui. Fun Radio qui... c'est une aventure aussi très, très particulière que j'ai vécue en partie, puisque le réseau s'est monté bien avant que je n'y arrive. C'était une 60aine de radios en province. Un réseau de radio avec une très grosse antenne à Paris, qui était Chic FM, qui appartenait au groupe Hersan. Et puis le groupe Hersan mettait la main sur ce réseau de radios indépendantes de province, en tout cas en région, mais qui n'avait pas d'antenne à Paris. La fusion des deux équipes, ça a été extrêmement douloureux et pénible, parce que il n'y avait pas de place pour tout le monde, qu'il a fallu conjuguer les talents, les énergies, etc., que ça a été horrible, mais qu'on y est quand même arrivé, qu'on a réussi à sortir ce format, et c'était la première montée en réseau, les premiers réseaux, je crois que pratiquement un des premiers réseaux de plus de 100 radios qui soient nés et sortis du sol en France en 87, en 87, voilà, très précisément. Je suis resté jusqu'en 88. Exactement. En 88, vous passez chez Virgin France pour lancer le Virgin, le feu, mais Virgin Megastore des Champs-Élysées. Comment vous passez directement dans cette grosse machine qui est Virgin, toujours en rapport avec la musique? Oui, voilà, retour à la musique. Avec un concours de circonstances tout bête, moi je quitte Fun après un an de boulot taré. Je m'interroge, est-ce que je reste en radio, est-ce que je vais en télé, qu'est-ce que je fais? Je travaille finalement pour des Américains à Princeton qui conseillent des radios en France. Je m'y plais énormément parce que ces gens-là sont pas forcément tous très sympathiques, mais en tout cas ils bossent extrêmement bien et en radio c'est très agréable. Bon. Mais il se trouve que 8 jours avant d'ouvrir le Virgin Megastore, le patron de Virgin, enfin à l'époque était Patrick Zelnick et Richard Branson, se retrouvent avec un immense projet sur les bras, des centaines de milliers de disques éparpillés un peu partout dans un immeuble qui n'était absolument pas fait pour ça. Et il m'appelle en me disant, voilà, on voudrait monter une radio dans ce lieu, parce que c'est en tout cas une radio, voire une télé. Parce que si on ouvre comme ça, ça va être sordide. Il nous faut mettre de la musique là-dedans. Et je trouve le projet tellement dément, la qualité de l'équipe tellement invraisemblable. Ils avaient réussi à réunir tous les meilleurs mélomanes, musiciens, vendeurs. Que c'était, c'est ce que je leur ai dit, c'est monter une radio musicale. Dans le plus grand magasin de disques du monde, c'est juste un rêve. Donc, je ne sais pas. Et ils m'ont posé la question jusqu'au jour de l'ouverture. Mais que vas-tu passer comme musique là-dedans? Que vas-tu passer entre le mec du jazz, le mec du classique, le mec de la variété française, etc. Et j'en dis, je n'en sais rien. Jusqu'au jour où on a ouvert les portes, un soir de novembre, et j'ai peut-être, je sais pas, 20-25 personnes, c'était... dément. Il y avait plus de personnes, il y avait trois fois plus de personnel que de visiteurs. Et là, il a fallu se décider. J'ai choisi un disque absolument que personne ne connaissait, qui était le premier album de William Ackerman. Je vous conseille de le réécouter, qui était en fait un de ces artistes New Age à l'époque. C'était un peu, je travaillais beaucoup aux États-Unis sur ces formats-là, les formats d'adultes contemporains, alternatifs contemporains. Et dans les 5 minutes de la diffusion de cette musique, les 5 albums qui étaient dans les rayons de cet artiste ont été vendus. Et là, on s'est dit, il se passe quelque chose. On va essayer de trouver de noblesse à tout ça et de construire un vrai programme qui soit à la fois informatif, totalement contemporain et qui puisse générer du business, mais du bon business. Alors justement, sur cette anecdote, c'est le moment de la pause musicale. Alors vous avez choisi quoi? Oui, en fait, j'ai choisi immédiatement, dès que vous avez commencé. En fait, je voudrais écouter Kurt Franklin, oui, qui est un chanteur c'est un groupe et un chanteur de gospel contemporain américain. On va trouver une chanson, je sais pas, on va peut-être trouver Smile, qui est une espèce de tube. Voilà, moi j'écoute beaucoup ça en ce moment. Ça mêle à la fois une certaine ferveur absolument incandescente et les bases de la soul et du hip-hop, et c'est génial. Et qui, voilà, a complètement sa résonance sur notre antenne. Donc on se retrouve dans un instant. I dedicate this song to recession, depression and unemployment. This song's for you. Today's a new day. There is no sunshine, nothing but clouds, and it's dark in my heart, and it feels like a cold night. Today's a new day, but where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. I'll be honest with you, I almost gave up, but a power that de retour sur Fréquence Protestante, toujours dans la mécanique des ondes. On reçoit aujourd'hui Jean-Yves Hautemule, le directeur de l'antenne de RTL. On avait arrêté avant la pause musicale à votre passage à Virgin France et à l'ouverture du Virgin Megastore des Champs-Élysées. Combien de temps dure cette aventure? Bah, elle s'est conclue l'an dernier, je crois. Malheureusement, le magasin a fermé. Moi, je suis resté jusqu'en 2000. J'y ai passé des années inoubliables. J'ai en souvenir, enfin, pour ceux d'entre vous qui connaissaient ce lieu, qui a eu la chance de le fréquenter, imaginez-vous que le samedi matin, j'avais une espèce de rituel, une sorte de rituel. J'arrivais dans ce magasin, j'avais un programme à constituer. Bon, pour c'était un vrai programme. Hein, on répétait pas une boucle toutes les deux heures. Hein. Du matin au soir, il y avait deux programmes simultanés, un programme classique et un programme toute musique. Et j'avais la chance, à 8h30, très précise, de faire le tour de tout le magasin, d'avoir les meilleurs vendeurs qui me donnaient les meilleurs disques. Pas ceux qu'on allait vendre, ceux qui artistiquement étaient les plus forts, les plus modernes, les plus en phase avec l'essence même de la marque Virgin, parce que tout le monde avait fantasmé un peu sur ça. Et pendant des années, je remontais au bout d'une heure. J'avais quelques minutes pour faire mon choix, un tri, sélectionné parmi une bonne cinquantaine ou une centaine d'albums. Il fallait avoir une technique très particulière pour écouter très vite et aller très vite à l'essentiel. Et constituer un programme avec des animateurs qui très connus. C'était Arthur d'ailleurs, après c'est près de 3 ans. Et il venait uniquement pour le pied venir passer de la musique au Megastore, parce que c'était juste des trucs hallucinants. On en découvrait dans tous les styles, dans tous les genres. Donc c'était impossible de ne pas être scotché à ce lieu où il se passait énormément de choses. Alors justement, en décembre 2006, vous arrivez donc à la direction de l'antenne de RTL. Comment vous y arrivez après tout ce passage musical? Qui vous appelle? Frédéric Jouve m'appelle. Frédéric Jouve qui venait de France Télé, qui venait d'être engagé à la direction des programmes de RTL par Axel Duroux. Il m'appelle en fin août 2006. Il relance l'antenne. À l'époque, RTL est deuxième ou troisième ou quatrième radio, tous critères confondus, selon les critères. Et Frédéric Jouve, avec qui j'avais eu l'occasion de monter Fun Radio quelques années auparavant, avec qui j'avais démarré le Megastore, qui était un vieux complice, avait donc appelé en me disant « Écoute, voilà, mon directeur de prod, mon directeur d'antenne s'en va, qu'est-ce que tu fais ?» Et moi, j'étais effectivement en train de négocier un partenariat au niveau d'une entreprise de production un peu isolée, sans avoir vraiment de passion, parce que les vrais passionnés en musique sont pas si nombreux dans notre beau pays, où on aime bien la musique, mais on trouve très peu de passionnés prêts à s'y investir. Et finalement, il m'a proposé de rejoindre l'équipe. Il m'a proposé d'abord de rencontrer Axel Duroux, avec qui on s'est super entendu, parce que c'est un dingue de musique. Et que voilà, il avait tout à fait confiance dans le tandem. Et puis effectivement, en octobre 2006, j'ai rejoint l'équipe pour démarrer la nouvelle grille, la nouvelle campagne, et reprendre les trois critères au bout d'un an. Meilleure audience cumulée, meilleure durée d'écoute et meilleure part de marché. Donc c'était aussi un challenge. C'est pas grâce à moi, évidemment. Je suis arrivé au bon moment. Mais ça a été aussi un concours de circonstances, et puis peut-être un ange gardien qui travaille convenablement. La musique est toujours là, et vous y intéressez, et quand vous arrivez à RTL, forcément, vous y tendez l'oreille à la programmation musicale. Je vais vous faire un aveu. Je ne suis pas un auditeur natif de RTL. J'ai été élevé dans RTL, professionnellement. J'ai appris à faire du RTL. Ça n'est pas le format musical sur lequel moi je suis le plus compétent. Autant chez Virgin, à vous dégoter un canard à 5 pattes qui chante avec un harmonica dans le nez, enfin bon, vous voyez, autant là j'ai effectivement usé mes fonds de culotte sur tous les concerts et salles de spectacle où peuvent se produire les gens, autant sur quelque chose aussi spécifique que la musique sur une radio comme RTL, qui est une radio extrêmement populaire, avec un auditoire qui est majoritairement provincial, qui habite au rural parfois, c'est plus de 80% de l'auditoire de cette radio. Il y a une sorte d'essence, d'émanation. On n'est jamais d'accord sur la programmation musicale. On a fait un très beau travail avec Frédéric de relance et de synthétisation et du marketing lié à la diffusion de musique à la radio, très inspiré de ce qui avait été fait par les années, dans les années passées par le travail en FM. Je ne m'y suis pas intéressé parce qu'il y avait d'abord une équipe extrêmement compétente pour le faire. Là, je suis très diplomatique, diplomate, et il fallait laisser faire, leur donner la liberté de le faire. Mais de la même manière, je ne vais pas voir Julien Courbet pour lui expliquer de quelle façon il doit commencer ses émissions. Et je suis éventuellement un gendarme. Je suis peut-être le premier auditeur, voilà. J'essaie de faire, parce que c'est pas sûr, c'est pas évident de faire comprendre ça aux gens avec qui on travaille, mais le rôle d'un directeur d'antenne, c'est d'être le premier auditeur. Un peu le garde-fou, quoi. Donc, là, tu vas trop loin. Là, c'est pas assez. Vas-y plus, vas-y moins. T'es sûr. On corrige les animateurs. Voilà, c'est une petite musique, c'est un ronron. Moi, j'ai toujours pensé que la radio, et notamment RTL, était une sorte de... Voilà, c'est comme de la musique. J'écoute de temps en temps attentivement. De temps en temps, c'est une radio d'accompagnement qu'on écoute toute la journée. Tout le format est fait, fabriqué, conçu pour être écouté le plus longtemps possible et par le plus de monde possible. Donc c'est un cahier des charges, c'est très technique, ce travail-là. Alors, je suis pas certain que d'ailleurs ça intéresse grand monde. Parce qu'en fait, c'est un peu comme de parler de la technique de l'archer pour un violoniste. Ça peut être passionnant si on s'y intéresse, mais c'est très austère et souvent le diable, comme disait Nietzsche, le diable se cache derrière les détails. Mais la radio, c'est mille et un détails, mille et un petits détails, dans une intonation, dans la façon avec laquelle je parle aujourd'hui. Là, je suis pas à l'aise, je suis en train de bredouiller, je trouve que j'articule pas bien, j'espère que je choque pas, mais au moins c'est naturel. Alors, 7 ans et demi à la direction de l'antenne, Jean-Yves Hautemul, quels sont vos prochains défis, vos prochains challenges? À titre personnel, déjà transmettre. Je suis arrivé à un âge où je dois maintenant passer le témoin et il faut que je le fasse au mieux des intérêts de tous, chacun. Je pense que ce qui me passionne aujourd'hui, c'est ce qu'on dit très, voilà, c'est l'exploitation du contenu. On est dans un monde de création et la difficulté pour nous demain sera pas tellement de la monétiser, mais en tout cas de la faire. De la mettre accessible, de la rendre accessible au plus grand nombre. Donc je crois beaucoup au travail ce qu'on appelle le big data, mais des choses pas marrantes, effectivement, ça restera... Sur le papier, non. Sur le papier, non, mais cette façon que certains sites, certaines applications, certains supports, plateformes numériques, c'est cette façon qu'ils auront de vous présenter mille et une propositions, quelle que soit cette proposition en image, en son, en ce qu'on voudra. Et là, il y a un travail considérable, colossal à faire, parce que, mine de rien, tous les jours, on travaille, et c'est ça qui est fou, sur une radio comme RTL, où vous avez près de 250 collaborateurs, 150 journalistes, enfin, et chacun y met de la passion, chacun y met de l'intensité, alors, selon sa gradation. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas diffusées, bref, des milliers de possibilités de nouveaux contenus à développer et à créer. Voilà, je pense que c'est surtout ça qui va m'occuper. On va passer à la dernière partie de l'émission. La mécanique des ondes. Des questions courtes, des réponses courtes. Jean-Yves Hautemul, quelle radio vous réveille le matin? C'est idiot, mais je vais vous dire RTL. Mais dernièrement, c'était Couleur 3. Je sais pas pourquoi. Sur Internet? Oui. Ah bah oui. Qui est une radio suisse. Radio suisse romande. Quelle radio vous endort le soir? Alors, je vais être stupide, mais c'est RTL. Et qu'est-ce qu'il y a, donc, sur RTL le soir? Le soir, il y a Georges Lang. Ah, c'est un très très bon... Interminable et inoxydable. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? En bagnole. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Sous ma douche, j'avais fait... C'est pas possible. Votre meilleur souvenir de radio, à l'antenne ou derrière? Oh, le meilleur, je sais pas, j'en ai 12 000. C'est pas forcément le meilleur, c'est peut-être celui qui m'a le... J'ai été formidablement heureux une après-midi entière avec une pile de disques et tout se passait bien. La musique était en harmonie, c'était rien, hein, il n'y avait pas grand-chose. Je me trouvais peut-être à la fois élégant, spirituel, intéressant, pas neutre et confortable. Voilà, j'ai fait DJ une après-midi et je garde cet après-midi en mémoire. C'est un souvenir immédiat, c'est pas forcément le meilleur ni le plus représentatif, mais en tout cas, c'en est un. Votre pire souvenir ? Le pire, c'est la mort de Balavoine en direct, que je dois annoncer. Vous étiez sur quelle antenne ? C'était sur 95.2. Daniel avait été animateur de la station jusqu'à sa disparition. Et c'était quelqu'un de la maison. Et je dois annoncer cette mort. C'était un choc pour tout le monde. On était en pleurs, etc. La rédac, à l'époque, c'était Pascal Clark, qui faisait les flashs. On lui amène un bob. Moi, j'étais seul à la technique. J'étais DJ FM et surtout personne avec moi. Donc, et je ne cale pas le bob. À l'époque, c'était une bande magnétique, voilà. Et on m'envoie le son. Et j'envoie le son de Balavoine, enfin de Daniel, qui était pas à la bonne vitesse. Voilà, donc une mise en scène. Donc c'était une volonté mise en scène, non, c'était pas une volonté. Je pense que c'était un acte manqué, tout simplement. C'était horrible. C'était horrible parce que c'était, on s'était tous mis d'accord pour avoir un seul et même message, un seul et même, enfin, un accent d'espoir. C'est terrible ce moment d'annoncer une mort en plus d'un pote. On va pas foutre le blues à tout le monde. La radio est pas là pour ça. On s'était vraiment enquiquiné pour un rien. Voilà un mini détail. Se tromper de bouton sur la vitesse de défilement d'une bande magnétique et paf. Comme quoi ça tient pas grand chose. Non. Un seul conseil à donner à ceux qui veulent consacrer leur avenir aux médias radio, qu'il n'ait pas commencé ou qu'il commence. Faire le vide en soi et essayer de donner au maximum. C'est la question de Gaël Sanquer pour Jean-Yves Hautemul. Jean-Yves, que va devenir Philippe Bouvard ? Quelle émission allez-vous lui proposer l'année prochaine sur la grille d'RTL ? Cher Gaël, bonjour d'abord. Je suis très heureux de t'entendre. Tu le sais très bien. On ne propose pas une émission à Philippe Bouvard. C'est Philippe Bouvard qui propose une émission. Ok ? Il fera ce qu'il voudra. Il le fera quand il voudra et autant de temps qu'il pourra. Merci Jean-Yves Hautemul. Merci Cécile. À bientôt RTL, ce sont nos voisins sur la bande FM à Paris, c'est sur 104.3. Et à bientôt pour un prochain épisode de La Mécanique des Ondes.